Mwen se sorti mwen male live. Se yon bitan ke nou tou teme. Mwen pa sorti ke se mwen pa bon. E ke se sorti ki bon. Cette matin, sous ça, tu me lèves une côté.